Je vais tenter, à partir de quelques diapositives, de rendre compte du travail que j'ai effectué pour le Master Études sociales des sciences et des technologies à Strasbourg, et notamment pour les internautes qui n'ont pas lu mon mémoire. Alors, ce travail, il porte sur les stimulateurs de défense naturelle des plantes, ou SDN, et la question que je me suis posée en particulier, c'est de savoir si ces SDN fabriquent un nouveau monde phytosanitaire. Alors, on peut commencer par s'intéresser au cadre plus général des travaux des Science and Technology Studies sur les pesticides. Alors, comme souvent, l'histoire des pesticides, ça a d'abord été une histoire racontée par les acteurs eux-mêmes, une histoire résumée à un progrès où des molécules plus modernes, plus respectueuses de l'environnement, viennent remplacer les pesticides des débuts, comme le cuivre, l'arsenic ou d'autres. Et cette histoire, souvent, elle est racontée sans problématique. À l'inverse, donc, les Science and Technology Studies, eux, se sont emparés de grosses problématiques comme pesticides et santé, qui était le cheval de bataille des sciences politiques et sociales après 1970, lesquels ont essayé de voir comment interagissaient ces deux grands ensembles, dans une optique surtout de servir de conseil au pouvoir et d'aider les pouvoirs publics à prendre des décisions sur les relations entre pesticides et santé. Alors, ces travaux concernent par exemple la production des savoirs, quelques analyses de controverses, notamment sur le DDT par exemple, des analyses de production de normes, avec une analyse très fameuse qui compare la production des normes des deux côtés de l'Atlantique, ou enfin une analyse des systèmes de régulation. La régulation des pesticides, en effet, c'est le deuxième grosse problématique sur laquelle s'est penchée les sciences politiques, qui étudient en particulier comment les intérêts dominants sont contestés mais parviennent à se maintenir. Une fameuse ligne de ces travaux, c'est la théorie du complot, la théorie de la conspiracy, énoncée par Robert Vandenbosch. Et cette théorie-là, elle nourrit évidemment le travail militant des anti-pesticides sur le terrain, par exemple en France, François Weyrette. Et c'est une thèse qui évidemment est considérée comme trop simpliste par les chercheurs, mais qui nourrit quand même leur pensée, et ils cherchent souvent à la reformuler et à la nourrir. Alors, notre position, nous, elle est tout à fait autre. Nous avons vraiment... Nous avons fait notre l'approche de Bruno Latour et de la théorie de l'acteur réseau en essayant de suivre un objet de part en part, les SDN donc, de suivre les acteurs qui gravitent autour et de voir quelle dynamique de reconfiguration et de configuration on pouvait déceler. Notre sujet, donc, il est réellement quasi contemporain, et donc on suit l'injonction de Rémi Fourche dans sa thèse qui nous incite à poursuivre les recherches sur la période 1970-2000. Alors, pour commencer, on peut s'interroger sur ce que sont les SDN aujourd'hui. Alors, on voit ici une carte de la France. Mon travail s'est principalement centré sur le cas français. Et ça me semble tout à fait pertinent parce que, par exemple, Serge Pérez, un directeur de recherche au CNRS et cofondateur d'une PME qui travaille plus ou moins dans ce domaine-là, m'expliquait que, selon lui, c'est en France que les applications des SDN paraissent le plus avancées. Donc, j'ai repéré 8 laboratoires de recherche publique répartis sur 6 villes en métropole et qui donc s'emparent aujourd'hui de cet objet de recherche. Et surtout, ils se structurent autour de ce nom, les SDN, et même cet acronyme, qui est un peu un étendard depuis 1997, lorsque des chercheurs de Novartis l'ont employé pour la première fois à l'occasion d'une conférence internationale sur les maladies des plantes qui avait lieu à Tours. Les SDN aujourd'hui, c'est aussi toute une myriade de petites et moyennes entreprises du côté du secteur privé, donc chacun se penchant sur un SDN, soit déjà commercialisé, soit en cours d'études. Et donc, c'est intéressant, et c'est le travail que je me suis efforcé de faire, de se demander qu'est-ce qu'ils construisent. Est-ce que tous ces acteurs convergent ou pas? Alors, pour fixer un peu les idées, quelques dates qui jalonne la chronologie des SDN, et c'est une chronologie forcément réductrice, alors que dans mon mémoire, j'ai essayé d'être plus subtil que ça et de présenter de diverses manières cette trajectoire-là et la manière dont elle s'agençait ensemble. Donc déjà, on peut considérer à partir des années 1960 qu'il y a un très grand nombre de travaux académiques sur la résistance induite qui se penchent donc sur savoir est-ce que la plante peut, comme l'animal, avoir une résistance induite, et donc est-ce qu'on pourrait imaginer un vaccin qui viendrait aider la plante à se défendre lors d'attaques de pathogènes. À la fin des années 1970, en France, on a les premiers travaux académiques sur le phosgéthyl aluminium, qui est une substance active vendue par Ron Poulenc en tant que fongicide. En 1985, Patrick Saint-Denon, donc qui travaille sur le phosgéthyl aluminium, commence à évoquer de nouveaux pesticides qui interfèrent avec les mécanismes de défense des plantes. août 1987, en Suisse, Siba Geigy dépose le brevet sur le bion, qui est une molécule à effet SDN. Et puis le mois suivant, en septembre 1987, c'est cette fois-ci BASF en Allemagne qui dépose le brevet du Midzana, un extrait de plante à effet SDN. À la fin de l'année 1989, on s'aperçoit enfin, donc 10 ans après le début des travaux sur le faux éthyl aluminium, on peut affirmer que celui-ci stimule les défenses des plantes. Et puis quelques années plus tard, en 1992, aux États-Unis, c'est la découverte de la harpine, premier SDN de nature protéique, qui fait la couverture de Science. Alors comment est-ce qu'on peut caractériser cette émergence des SDN? Alors d'un côté, Patrice Flichy nous explique que la technologie est souvent conçue comme une simple application d'un savoir scientifique préalable. Et en effet, ici, on a l'impression que tout démarre dans le laboratoire, tout démarre à partir de travaux de recherche académique et qu'ensuite seulement on a des entreprises qui s'y intéressent et puis on a des dépôts de brevets, etc. Donc, a priori, cette explication conviendrait, sauf qu'elle entretient une dichotomie entre la science et la technique et que notre SDN, nous, selon comment on le regarde, il est à la fois science et technique. Hein. J'ai montré comment au laboratoire, il peut être considéré comme une fin, c'est-à-dire comme un objet à effet agronomique, ou bien comme un moyen, comme un outil de recherche pour investiguer les réactions de défense des plantes. Et donc, cette dichotomie ici, elle est dépassée et elle nous semble un peu problématique. À l'inverse, Bruno Latour décrit « Nous passons progressivement d'un faisceau d'attributs à une substance, une chose dotée de limites claires, d'un nom, d'un comportement cohérent, bref, d'une chose qui est plus que la somme de ses parties. » Et cela, ça nous semble tout à fait décrire ce qu'on observe, la manière dont des objets, des méthodes vont converger et vont se cristalliser autour d'un objet unique qui porte ce nom étendard de SDN. Donc le SDN est un objet nouveau. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette notion d'objet nouveau? Alors déjà, on peut considérer qu'il est nouveau dans le sens où il fait irruption à la fin des années 1970 dans un paysage qui est conceptuellement prêt à recevoir les SDN, puisqu'ils s'imaginent déjà des effets de vaccins des plantes, et ils possèdent les théories pour les envisager, mais il n'est pas matériellement prêt. C'est-à-dire que le SDN, réellement, c'est la première fois qu'on peut toucher, qu'on peut manipuler cet objet-là, et donc il est réellement nouveau. Mais c'est aussi nouveau pour chaque chercheur qui s'en empare, puisque très souvent, ils y arrivent après s'être essayé à d'autres objets de recherche, ce qui est de moins en moins vrai puisqu'on commence à avoir à partir des années 1990 l'apparition des premiers doctorants SDN. L'objet nouveau aussi dans le sens où il redéfinit les collaborations. J'ai montré avec une étude des copublications et des réseaux de copublications comment au-delà des instituts de recherche, au-delà des frontières institutionnelles, des frontières disciplinaires même, c'est autour des objets que vont se structurer des réseaux et des collèges invisibles de collaboration. Et puis c'est un objet nouveau dans le sens où il a un statut ambigu au moment où il apparaît et il a un statut encore ambigu aujourd'hui. Sa mise en évidence et ses caractérisations au laboratoire sont difficiles. Et en fait, j'ai montré comment il faut un réseau socio-technique pour réussir à stabiliser cet objet. Alors le réseau, il est constitué surtout d'un collectif avec des humains et des non-humains. Alors parmi les non-humains, eh bien, il y a la plante, puisque le SDN agit sur la plante et qui donc il doit la mobiliser et la plante doit agir et doit contribuer au collectif pour que celui-ci tienne la route. Et puis du côté des humains, on a des acteurs divers et variés. Alors les chercheurs, évidemment, leur tutelle, mais aussi des industriels, des pouvoirs publics, les commerciaux sur le terrain, des organisations professionnelles, des agriculteurs, évidemment, etc. Et donc ces acteurs, ils doivent collaborer, ils doivent converger avec éventuellement des traductions pour qu'ils s'intéressent les uns les autres afin de faire tenir ensemble et de stabiliser les SDN. Et j'ai aussi montré comment ils se construisent un répertoire commun et ils puisent dedans pour avoir des ressources partagées. Ce collectif, il se définit aussi par rapport à l'extérieur, hein, par rapport à ce qu'il exclut. Et du coup, il est sensible aux perturbations d'éléments extérieurs comme le purin d'ortie ou les abeilles qui peuvent venir faire bouger des lignes qu'on pensait fixer. Et puis surtout, le collectif, il a l'ambition de s'étendre, d'une part, d'exister en propre, de ne pas être qu'un faire-valoir à côté des moyens de lutte chimique ou de lutte biologique déjà existants, et puis de s'étendre à tout le corps social pour former une nouvelle façon de vivre ensemble dans laquelle nous sommes invités. Alors après être passé de l'objet au collectif et au monde, on peut revenir à l'objet avec un regard neuf et se poser notamment la question de l'efficacité. Puisque très souvent, dans les articles sur les SDN et dans le discours sur les SDN, la question de l'efficacité revient et les acteurs ont tendance à dire que les SDN ne sont pas efficaces. Alors cet extrait de Science et Vie, un article de Science et Vie paru il y a un an exactement, il illustre bien ça. Donc je cite, le manque de fiabilité et les difficultés d'application des premiers éliciteurs les ont empêchés de percer dans le monde agricole. Or, l'efficacité, en fait, ce n'est pas du tout une donnée absolue, et c'est vraiment une construction du collectif, puisque l'efficacité, ça correspond d'abord à une mesure. Or, on peut se poser la question, est-ce une mesure in vitro, une mesure in vivo, une mesure au champ, une mesure utilisant la biologie moléculaire ou l'agronomie? Ensuite, cette mesure est comparée à une attente. Alors, quelle est notre attente? Est-ce que elle est réductionniste? Quelques paramètres précisément mesurés et quantifiés? Ou bien est-ce que c'est une attente holiste où on va essayer de s'intéresser à l'ensemble du paysage? Cette attente, elle se situe dans un certain cadre. Notamment, quels sont les critères qui vont être privilégiés? Comment est-ce qu'on décide de ce qui est comparable ou pas? Et puis, elle est forcément mise en balance avec un coût. Hein, quel est le coût de s'investir et d'utiliser les SDN. Alors notre étude de cas, elle porte sur 30 ans, et on voit que sur cette période de temps, eh bien, il y a eu de nombreuses choses qui se sont passées, de nombreuses lignes qui se sont déplacées. Au niveau de la recherche, par exemple, on voit sans arrêt de nouveaux objets SDN être qualifiés en tant que tels au laboratoire. Au niveau de la régulation, on a vu des tonnes de groupes de travail se mettre en place pour essayer de changer les choses. Et puis, on voit un agenda des pouvoirs publics qui est sans arrêt changeant. Du côté du commerce également, on constate qu'il y a certains SDN qui rencontrent un beau succès sur des marchés de niche, par exemple, etc., etc. Alors, si on devait faire un petit exercice de prospective et se projeter dans le futur, il semble d'abord qu'il y a quand même un statu quo. Le collectif semble s'essouffler avec des acteurs, par exemple, qui se découvrent d'autres centres d'intérêt, des réflexes anciens qui ne disparaissent pas facilement. Au final, un monde SDN qui ne progresse guère et qui donc semble échouer collectivement. Mais le travail qui a été effectué pendant 30 ans n'est pas perdu et les bases sont là pour qu'un nouveau venu, par exemple Tribo Technologies, cette PME alsacienne, arrive, s'en empare et réussissent individuellement en mobilisant les quelques éléments, les briques du monde déjà existantes. Alors dans ce travail, j'ai tenté de faire la sociologie d'un monde sociotechnique. Alors d'un point de vue méthodologique, maintenant on peut se demander qu'est-ce que ça signifie réellement. D'une part, ça veut dire essayer de cerner ce monde dans toutes ses dimensions. Et donc je me suis intéressé aussi bien à la recherche qu'à l'innovation, l'objet technique lui-même, la régulation, les médias, la politique de la recherche, etc. Et puis j'ai tenté de déployer tout un ensemble de méthodes d'enquête et d'analyse, aussi bien qualitatives, donc avec des entretiens, une revue de la littérature scientifique, une analyse du contenu de la presse, que quantitative, avec une bibliométrie des brevets, l'étude de réseaux de copublication, des chronologies des publications, etc. Alors en conclusion, quelques suggestions pour prolonger cette réflexion. Alors d'abord, on pourrait se demander si le monde SDN obéit finalement au concept de worldview tel qu'il a été formalisé par Léo Apostol et essayer d'y retrouver les sept dimensions que donne ce chercheur aux worldviews. Donc essayer d'y retrouver l'ontologie, quel est le modèle descriptif du monde, essayer de retrouver une explication, essayer de retrouver la futurologie, la réponse à la question où allons-nous, essayer de retrouver des valeurs, la question que devons-nous faire, essayer de retrouver la praxologie ou théorie de l'action, comment atteindre nos buts, l'épistémologie, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et puis enfin l'éthiologie, c'est-à-dire un compte-rendu de la construction du monde lui-même. Et puis une deuxième question qui me semble tout à fait intéressante, j'ai été étonné de constater que deux visions du monde peuvent coexister au sein d'une même entreprise phytosanitaire, avec des acteurs sur le terrain, des employés qui vraiment défendent les SDN comme objet et y croient de tout leur cœur, et puis une hiérarchie qui est beaucoup plus réfractaire et réticente à s'engager sur ce terrain-là. Donc ça m'intéresse de savoir comment est-ce que ces deux visions du monde peuvent coexister dans une même entreprise.